C'est comme si l'esprit, c'est plus grand que ce que l'homme peut véhiculer de lui. C'est comme si l'intelligence, c'est plus grand que ce que l'homme peut véhiculer de lui. Fait qu'automatiquement, tu comprends tout ça de ce que je veux dire? On est en choc. Moi, je vais vous dire quelque chose, parce que je peux pas vous dire ce que j'aimerais vous dire, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, je vais faire une prédiction. Ça, c'est la seule que je fais, j'en ai pas souvent. Je vais faire une prédiction. Je vous fais la prédiction qu'au 21e siècle, les hommes vont découvrir que l'univers, c'est pas ce qu'ils pensent. Tu comprends ce que je veux dire? L'univers, c'est pas du sens, parce que tu sens juste. Ouais, exactement. C'est comme là, si nous autres, on a été éduqués par. On a une grande tranche de notre vie, puis on a été éduqués par un certain niveau d'intelligence, là. Puis quand on rentre dans l'autre, là, toutes nos notions s'écroulent. Puis aussi toutes nos notions s'écroulent, on tombe dans une autre dimension. C'est pour ça que. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui doivent être préparés à demain. Parce que demain, les hommes vont craquer comme des coquilles. Moi, c'est parce que je t'empêchais de parler. Et si je t'ai pas empêché de parler, je pourrais parler. Je t'empêchais de parler. Puis je suis content d'être empêché de parler. Parce que si je t'ai pas empêché de parler. Si je t'ai pas empêché de parler, il se produira quelque chose. Si je t'ai pas empêché de parler. Qu'est-ce qui se passerait si je t'ai pas empêché de parler? Tu verrais l'astral des gens qui sont pas prêts à savoir l'éther. Ouais. Ça crée de la folie. Ouais. Ouais. Moi, je le vis, ça. Je le sais, je le vis. Il y en a peut-être parmi nous autres qui le sentent, qui le pressentent. Qui... Tant que ça paraît, tu vas avoir que c'est une... Mais je l'ai fait de temps. Je l'ai fait de temps en temps. Je l'ai fait de temps en temps. Moi, ça fait longtemps que je parle, on se parle. Je réalise de plus en plus que nous autres, les hommes sur la Terre, on vit dans un mensonge collectif. On vit dans un mensonge collectif qui est créé par l'astral, puis l'astral est créé par le fait qu'on meurt, puis qu'on revient, puis qu'on meurt, qu'on revient. C'est un mensonge collectif. Moi, je suis prête, un jour, à débattre le réel. Quand je rencontrerai un homme qui est capable de me... qui est capable de me... de m'accoter. Comment c'est ça, de m'accoter? Quand je pourrais rencontrer un homme là qui est capable de m'accoter, comment c'est ça, de m'accoter? Non, pas à côté. Là, je débattrai le réel. Sans ça, je paye d'énergie. Tu sais, il faut qu'il y ait. Mais je sais très bien qu'aujourd'hui, sur la Terre, sur le globe, c'est que l'intelligence est en train de venir. C'est le cycle, l'art de l'intelligence. On rentre dedans. On rentre. Il y a des porte-paroles plus ou moins ajustées de ça. Mais ce que je veux un jour créer sur le globe, c'est l'effondrement total de la notion. De la notion qu'on a du rire. Puis quand ça va être fait, ça, cet effondrement-là, les hommes, déjà, vont être capables de le subir, ça. Parce qu'il se produit une entrée de l'homme dans d'autres choses à ce moment-là. Mais il faut que les hommes soient suffisamment libres dans leur psychologie. Il faut qu'ils soient suffisamment dans leur intelligence. Parce qu'à ce moment-là, ils sont pognés avec ça. Là, ils travaillent avec ça, puis ils travaillent avec ça, puis ils travaillent avec ça. Fait qu'il faut pas détruire l'homme. Il faut l'amener. Le préparer à recevoir et à comprendre et à savoir que l'univers tel que nous le concevons est une construction astrale dans l'esprit de l'homme pour le bénéfice des forces astrales. C'est pour ça que je parle de l'homme en contradistinction avec l'être humain, parce que l'homme, c'est un être qui est contrôlé par l'astral, tandis que l'homme, l'être humain, n'est pas contrôlé par l'astral. Alors, automatiquement, l'être humain, il impose dans le globe, ou sur le globe où il est, les conditions de la réalité qu'il veut. Moi, je sais qu'un jour, l'homme pourra créer la réalité qu'il veut. Alors, créer la réalité qu'il veut, ça veut dire quoi? Ça veut dire être totalement dans la science de l'intelligence. Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de l'atome. Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de lumière. Ça veut dire comprendre parfaitement les lois de l'absolu et comprendre parfaitement les lois d'infinité. Alors, il faut que l'homme, un jour, comprenne toutes ces lois-là. Et à ce moment-là, la Terre sera nouvelle. C'est une nouvelle Terre. Une nouvelle Terre, une nouvelle civilisation, une nouvelle conscience, une nouvelle notion, une nouvelle science. Plus je parle, plus je m'aperçois que, d'abord, plus je m'aperçois que c'est infini, puis deuxièmement, plus je m'aperçois qu'il n'y a rien à comprendre, puis troisièmement, plus je m'aperçois que tout se comprend, puis quatrièmement, plus je m'aperçois que l'homme est un être supérieur, puis cinquièmement, plus je m'aperçois que l'homme est quelque chose que je ne peux pas dire. Puis si je le disais, ce que l'homme et que je ne peux pas dire, je détruirais les fondations de l'occultisme dans le monde occidental et oriental. Puis ça, je ne veux pas le faire parce que l'homme doit être capable, avant, de s'ajuster psychologiquement à la notion de l'infinité, avant de pouvoir comprendre le déroulement de son esprit pour comprendre parfaitement les lois d'intelligence. Et ça, ça nécessite éventuellement qu'il y ait un dédoublement dans l'homme, qu'il y ait un dédoublement dans la personnalité de l'homme, que l'homme ne soit pas dans le corps matériel. Il ne faut pas que l'homme soit dans le corps matériel pour que l'homme puisse comprendre ça. Tant que l'homme va dans son corps matériel, qu'il va avoir l'impression d'être dans son corps matériel, il va être dans la notion astrale de son intelligence. Un homme qui est dans son intelligence ne peut pas avoir la notion qui est dans son corps matériel. Son corps matériel, ses yeux sont simplement des fenêtres qui permettent de regarder l'ancien. Je te dis, tu ne peux pas être dans un corps matériel quand tu es dans l'intelligence. C'est impossible. Parce que l'intelligence est dans l'éther. Tu n'es pas peut-être dans un corps matériel. Ton corps matériel, ton système physique, ton système matériel, ton système de langage, ton système de yeux, c'est simplement comme une structure physique à travers laquelle tu regardes. Toi, tu ne peux pas être dedans, c'est une notion spatiale. C'est une notion psychologique, être dans son corps matériel. C'est une notion psychologique qu'on est dans le corps matériel. Et les hommes, tant que les hommes ont cette notion-là, ils ne peuvent pas être dans l'intelligence. C'est une notion psychologique qui est mise dans notre esprit par l'astral. Parce que c'est l'astral qui habite nos pensées puis qui habite nos émotions. C'est une notion. C'est pas vrai qu'on est dans le corps matériel. C'est pas vrai qu'on est des hommes. L'homme n'est pas sur la terre encore. On est des animaux très perfectionnés. Mais on n'est pas des hommes. Je suis totalement certain que la nature même de l'homme est incompatible avec sa réalité psychologique. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être conscient de lui-même. Alors, si l'homme n'est pas conscient de lui-même, il est conscient de quoi? Il est conscient de tout ce qui est astral en lui. L'homme n'est pas conscient de lui-même. Pour que l'homme soit conscient de lui-même, il faut qu'il n'ait aucune astralité en lui. Il faut que son corps astral, son énergie astrale ait été convertie en énergie mentale. C'est une maudite illusion, puis elle est grande. Elle n'est pas absolue, cette illusion-là, mais elle est très grande, cette illusion-là. La preuve, c'est que quand vous couchez le soir, vous allez en astral, vous sortez votre corps physique. Vous n'avez pas la conscience de votre corps physique. Pourtant, vous êtes réel. Ça, c'est un nouveau astral. Puis ensuite, vous revenez à votre corps physique, vous avez l'impression psychologique de la notion spatiale que vous habitez un corps physique. C'est une maudite illusion. Il n'y a pas un homme réel qui habite un corps physique. Et c'est justement cette notion-là. C'est justement cette notion-là qui nous donne l'impression, nous autres, les hommes, qu'on est les gardiens de la paix. On n'est pas les gardiens de la paix, ça fait. On crée des systèmes de valeurs, des religions, des gouvernements, des politiques gouvernementales pour garder la paix. Pas nous autres qui rendent ça. L'homme n'est pas le gardien de la paix. L'homme, tel qu'il est aujourd'hui. C'est tellement vrai qu'on n'est pas dans notre corps physique quand on est dans l'intelligence, que quand on est dans l'intelligence, on n'a aucun rapport avec soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a aucun rapport avec notre propre sensibilité astrale. Ça veut dire qu'on est capable de se dissocier complètement de ce qu'on dit, on est capable de se dissocier complètement des mots, on est capable de se dissocier complètement de la notion, on est capable de se dissocier de tout ce qui se manifeste à travers nous autres-mêmes. Une dissociation totale. C'est justement la dissociation totale qui permet à l'esprit de l'homme de convaincre l'astral de l'homme que l'homme n'est pas homme. C'est son esprit à l'homme. Un homme qui est moindrement dans son astral ne peut jamais se convaincre qu'il n'est pas homme. Assez dur. Pas d'autre. Assez dur de te convaincre que tu n'es pas femme. Hein? C'est dur de te convaincre que tu n'es pas homme. Tu ne peux pas. Ta conscience astrale t'en empêche. Mais montre-toi dans ta tête si t'es homme, quelle sorte de réponse que t'as? Dis-moi là. Illusion. Illusion. Là, tu vis avec ça. T'es pogné avec. Là, ça va travailler. Ça va? Ça va? Mais tu peux pas demander à l'homme d'être sorti de son illusion instantanément. Il ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que l'initiation du solaire est si longue, ça prend des années, puis des années, puis des années, puis des années, puis éventuellement tu rentres, puis tu rentres, tu rentres. L'homme ne peut pas passer d'un stage de psychologie à un stage d'absence totale de psychologie. Il ne peut pas passer d'un stage de conscience astrale, puis l'initiation totale de sa conscience astrale. Il faut que ça se fasse lentement, graduellement. Sans ça, il sera malheureux en maudit. Fait que là, l'ego rentre en jeu, mais il dit, qu'est-ce que je fais ici? T'as pas arrêté? Tu sais, on ramène, une question. On prend un petit break? Essayez de bien écouter cette section-là, là. Il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que c'est la différence entre ne pas se dévoiler, puis pas se raconter, puis pas d'autre chose, tout ça. C'est subtil ce que je veux expliquer, fait qu'essayez de bien écouter. D'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est de l'instruction. De l'instruction, c'est une façon à l'esprit de rendre à l'homme son esprit. Une définition de l'instruction, qu'est-ce que c'est de l'instruction, la mienne, c'est de rendre à l'homme son esprit. Le processus, l'activité qui permet à l'homme d'être rendu son esprit, on appelle ça l'instruction. En contradistinction avec l'enseignement, qui est d'influencer l'esprit de l'homme pour le faire progresser. Alors, quand je vous dis que l'homme doit apprendre à ne pas se dévoiler, je veux dire que l'homme doit apprendre à conserver pour lui-même ce qui est de son esprit. Parce que ce qui est de l'esprit de l'homme, ce qui est de l'intelligence réelle de l'homme, ne peut pas être rendu à un autre homme tant que cet homme-là n'est pas dans son esprit. Si l'homme n'apprend pas à ne pas se dévoiler sur le plan psychologique, À un moment donné, il va avoir accès à son esprit. Autrement dit, il va savoir des choses qui ne sont pas disables. Puis il va dire, il va faire une gaffe. Alors l'homme, tant qu'il n'est pas totalement fusionné, il va dans son esprit, puis il sort de son esprit, puis il va dans son esprit, puis il sort de son esprit. Il passe du plan psychologique au plan d'intelligence. Psychologique au plan d'intelligence. La pensée subjective à la pensée objective. Mais il y a encore en lui tous les mécanismes psychologiques de l'homme inconscient. Donc, automatiquement, whoop, il reçoit de l'information qui vient de son esprit, qui peut venir bien vite, qui peut venir en rêve, qui peut venir quand il est éveillé. Et automatiquement, les mécanismes de sa conscience psychologique étant encore en forme, ces mécanismes-là vont charrier vers l'homme, vers l'extérieur, ce qu'il a reçu dans son esprit. Et automatiquement, comme il n'est pas comme sa psychologie, ou comme sa pensée subjective, ou comme son être subjectif n'est pas totalement renversé, n'est pas totalement dans l'esprit, autrement dit, comme l'homme n'est pas totalement dans son esprit, autrement dit, comme l'esprit de l'homme n'est pas totalement libre, automatiquement, s'il se dévoile, ce qui va sortir de sa bouche ne sera pas juste. Alors, automatiquement, il va faire des erreurs psychologiques et automatiquement, il va se rendre la vie plus difficile en relation avec les hommes. Alors, la personne qui me demande qu'est-ce que c'est la différence entre se raconter et se dévoiler, quand tu te racontes, tu parles de toi-même sur le plan psychologique. C'est un moindre mal. Tu perds de l'énergie. Mais si tu apportes ton esprit ou tu canalises dans une conversation ce que tu as reçu en esprit, puis tu amènes ça vers l'extérieur, là, tu te dévoiles. Tu dis des choses que tu ne devrais pas dire à du monde qui n'ont pas les oreilles pour l'entendre. Si les gens ont les oreilles pour l'entendre, tu peux dire quasiment n'importe quoi. Mais si les gens n'ont pas les oreilles pour l'entendre, automatiquement, tu vas avoir un feedback. Tu vas avoir une réaction psychologique. Tu ne peux pas demander à une personne qui ne peut pas te comprendre, qui passe ta longueur d'onde, de te comprendre. Il faut vraiment qu'elle te comprenne pour pouvoir lui parler selon ce que tu veux dire, ce que tu peux lui dire. C'est ça la différence entre se raconter et se dévoiler. Se dévoiler, c'est dire des choses avant leur temps. Il y a des choses que tu ne peux pas dire avant le temps. Puis en plus du fait que comme vous n'avez pas accès à votre esprit, que vous avez accès bien plus à mon esprit qu'à votre esprit, vous allez prendre des choses de mon esprit, puis vous allez passer ça dans votre langage, puis ça va sortir toute croche. Quand vous aurez accès à votre esprit, à ce moment-là, vous pourrez prendre vos propres choses et les faire passer, mais ils seront ajustés à votre esprit. Dans ce cas-là, vous prenez des choses que je dis, puis vous mettez ça dans votre. Vous passez ça dans votre machine à vous autres, puis vous sortez ça. Ça sort comme du hamburger. Ça, c'est se raconter. Dans ce que se dévoiler, c'est dire des choses de soi-même, des choses qu'on sait intérieurement, que c'est inutile. Tu vas dire ces choses-là à quelqu'un qui est à longueur d'onde, ça n'a pas d'importance quoi tu dis. Il va le comprendre. Vibratoirement, parce que l'esprit, ça se comprend vibratoirement. Tout le matériel qui vient de l'esprit se comprend vibratoirement. Ça ne se comprend pas psychologiquement. Ça se comprend vibratoirement. Alors, que tu dises n'importe quoi à quelqu'un qui est dans son esprit, il va le comprendre. Mais si tu dis quelque chose à quelqu'un qui n'est pas dans son esprit, puis qui fonctionne psychologiquement, il ne comprendra pas. Ça, c'est se dévoiler. En tout cas, ça raconter, mais c'est parler pour parler. C'est jaser, c'est rien dire. Alors, pour continuer dans le matériel de l'homme, il y a une chose que l'homme réalisera dans son expérience, dans la conscientisation de son esprit. C'est que l'homme doit en arriver un jour à être capable de rejeter tout ce qu'il sait et absorber tout ce qu'il ne sait pas. Et tout ce qu'il ne sait pas, et ce qui est au-delà de la limite de ce qu'il sait. Autrement dit, aussitôt que vous avez l'impression de savoir quelque chose, ça ne fait pas partie du réel. Quand vous êtes dans le réel, vous pouvez pas avoir l'impression de savoir quelque chose. Vous pouvez expliquer bien les affaires. Mais vous pouvez pas avoir l'impression de savoir quelque chose parce que c'est justement la nature du réel que tout dans le réel n'est pas notion. Alors, si vous savez quelque chose, ça vient pas du réel, ça vient de l'astral. Et l'homme doit et devra, avec les années, en arriver à rejeter tout ce qu'il sait. Parce que son réel, son esprit est au-delà de ces limites-là. Fait que si vous avez l'impression de savoir quelque chose, vous n'êtes pas dans le réel, vous êtes dans l'astral. Même si c'est le haut astral dans l'astral. Un jour, il faut qu'il y ait un trou percé dans votre astral. Dans votre conscience astrale, il faut qu'il y ait un trou percé. Et quand le trou sera percé, vous rentrerez dans votre esprit. À ce moment-là, ce que vous saurez, vous ne pourrez pas le dire à n'importe qui. Vous serez obligé de le dire à ceux qui doivent l'entendre. Mais à ce moment-là, c'est votre esprit qui contrôlera ce que vous dites et non votre attitude psychologique humaine. Et quand je dis que l'homme doit en arriver, ce qui se produit quand l'homme en arrive à comprendre que tout ce qu'il pense savoir est une impression et que tout ce qu'il pense savoir est une illusion astrale, quand l'homme en arrive à comprendre ça, son attitude, son tempérament vis-à-vis de lui-même change. L'homme devient beau. Quand je dis beau, là, je dis harmonieux. Un homme qui est dans son esprit est harmonieux. Il est plaisant. Il est plaisant. Parce que c'est la vibration de son esprit qui transperce à travers la matière. Mais s'il est dans l'impression de savoir, il est plus harmonieux. Il peut être bien fin, puis il peut être bien intelligent, puis il peut paraître bien intelligent, puis il peut parler bien gros, puis il peut, tu sais, les gens peuvent dire, ah ben lui, il est intelligent. C'est une impression qui est dans son esprit, qui fait partie de sa conscience astrale, mais hautement développée. Un homme qui est dans son esprit, qui est dans l'esprit, qui est dans l'éther de son intelligence, ne peut pas ne pas être harmonieux, ne peut pas ne pas être plaisant. Parce que il n'est pas, à ce moment-là, un homme. Il est un être humain. Tandis qu'un homme, ça peut être bien fin. Mais ce n'est pas harmonieux, un homme. Un être humain, c'est harmonieux. Grosse différence. C'est pour ça que les hommes qui grandiront, les hommes qui deviendront conscients, ainsi de suite, reconnaîtront dans le monde, ils ne diront pas nécessairement, mais ils reconnaîtront ceux qui sont dans leur esprit et ceux qui sont dans l'impression de leur intelligence. Ça se remarque. C'est très difficile de critiquer un homme qui est dans son esprit. Tu peux tout le faire. C'est très difficile. Un homme qui est dans l'impression de son intelligence, ça se critique. Tu peux en avoir des failles. Un homme qui est dans son esprit, là, si t'es moindrement évolué un petit peu, là, c'est bien dur de critiquer. Il n'est peut-être pas totalement, parfaitement encore dans son esprit, mais tu sens qu'il est dans son esprit. Puis il est dur de critiquer un homme comme ça, parce qu'il ne va rien dire, il ne va rien te dire qui naît de son astral. Il va te dire quelque chose qui naît de son mental supérieur. Il va te dire quelque chose qui naît de lui et non pas des autres entités en lui ou qui auraient pu être en lui ou qui étaient déjà en lui. Puis ça, c'est le point que je veux commencer. Les hommes, sans s'en rendre compte, parlent un langage qui est le langage de la mort. Et comme ils parlent le langage de la mort, ils communiquent sur la terre, sur le globe, entre eux, le langage de l'illusion. Parce que la mort, c'est une illusion. Et comme ils communiquent le langage de l'illusion, le langage qu'ils communiquent n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Parce que le seul pouvoir qu'a le langage de la mort sur l'homme, c'est sur son corps astral. C'est sur son mental astralisé. Ce n'est jamais sur son esprit. Parce qu'un homme qui est dans son esprit n'a aucun lien avec la mort. Il n'a aucune crainte dans son esprit Et comme il n'y a aucune crainte dans son esprit, le langage de la mort ne peut pas créer en lui une attraction ou une répulsion. Parce qu'un langage, ça crée soit une attraction ou une répulsion. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Ou c'est neutre. Le langage de l'esprit à l'homme, c'est un langage qui ne crée pas d'attraction, qui ne crée pas de répulsion. C'est un langage qui est neutre. C'est un langage qui est vibratoire, qui n'a aucune dimension psychologique. Si on le reçoit psychologiquement, c'est parce qu'on est encore dans, emprisonné dans les formes véhiculées vers soi par le monde astral. Mais une fois qu'un homme rentre dans son esprit, il n'y a plus d'attraction et de répulsion. Il n'y a plus rien. C'est un vide qui est plein. C'est une harmonie totale. C'est pour ça qu'un homme qui est dans son esprit, qui parle avec un homme qui est dans son esprit, c'est le fun, c'est parler, plaisant. Parce que les deux esprits se parlent. Les deux esprits se disent ce qu'ils savent. Puis comme l'esprit, c'est infini, ils peuvent s'en parler longtemps. Et c'est toujours créatif, tout le temps, tout le temps. Puis ça va prendre un certain nombre d'années avant que... Je suis toi, une player? Je peux pas y aller parce que je suis accroché comme un chien à une corde. Ça va prendre un certain nombre d'années avant que se construise sur le plan matériel ce que j'appelle une école. Et il doit se construire une école sur le plan matériel. C'est-à-dire qu'il doit se construire dans le temps sur le plan matériel un centre d'intelligence véhiculé par l'homme parfaitement en harmonie avec son esprit pour que résonne dans l'éther de la Terre une vibration. Et cette vibration-là, en résonance, affectera les corps subtils de l'homme et les hommes seront attirés lentement à cette école-là au cours des siècles, des générations. Il y aura d'autres écoles qui se formeront. Mais c'est très important qu'il se forme une école. Et pour que l'école se forme, il faut que l'école soit formée par des hommes qui sont dans leur esprit et qui reconnaissent la véritable nature de leur intelligence. Et non pas qu'ils aient l'impression de leur intelligence. Et ceux qui seront mandatés dans l'avenir pour être ce qu'on pourrait appeler des porte-paroles ou pour être des liens entre l'homme de la cinquième race et l'homme de la sixième race en évolution, ceux qui seront mandatés et ceux qui auront la vibration pour ça, ne pourront pas exercer cela avant un certain temps qui est déjà prédéterminé et qui est déjà connu. Ça ne sera pas de leur pouvoir personnel de le faire. Les conditions seront là amenées pour leur faciliter cet exercice-là. Et ces gens-là, quand ces gens-là seront en activité, déjà, on réalisera qu'il y a une école sur le globe. Et les gens les plus évolués dans le monde viendront et passeront à un certain moment par cette école-là. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils passeront par cette école-là pour comprendre ce que les écoles ésotériques de la cinquième race n'ont pas pu transférer à l'homme. La raison pour laquelle je parle de ceci, c'est pour faire reconnaître que dans les années qui viennent, l'homme n'aura plus de support psychologique. Je parle de l'homme conscientisé. L'homme n'aura plus de support psychologique. Les hommes vont perdre suffisamment de conscience astrale pour se sentir obligés de renaître à une autre intelligence. Et dans ce processus-là, les hommes seront obligés de perdre conscience, de perdre notion et de renverser toutes les notions qu'ils ont eues du passé. Et ce qui se produit à ce moment-là, quand l'homme vit cet état d'esprit-là, il se produit comme une dislocation. Avant, il vivait vers l'extérieur, là, il vit vers l'intérieur. Mais pas vers l'intérieur comme les spiritualistes le vivent. Vers l'intérieur dans le mental. Pas vers l'intérieur astralement, mais vers l'intérieur mentalement. Et quand un homme vit vers l'intérieur mentalement, là, il devient comme une sorte de réservoir d'énergie. Puis cette énergie-là, elle irradie quand c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est si important pour nous autres de comprendre qu'avec le temps, on doit ne plus s'expliquer, comment j'appelais ça, soi? Se dévoiler. C'est difficile de le rendre, ça. C'est difficile de le rendre parce que c'est un état d'esprit qui convient déjà à notre esprit quand on est dans notre esprit. Fait que quand on n'est pas encore dans notre esprit, c'est difficile de le comprendre parce qu'on n'est pas dans notre esprit. On est avant. Mais ça se saisit quand même. Ça peut se saisir quand même. L'ego a une tendance naturelle à vouloir toujours être avant son esprit. C'est vibratoire. Moi, je sais, je vous parle, là, il y a un rythme quand je vous parle. Je pourrais vous parler de la peine d'énergie, je vous parlerai des fois moins d'énergie, mais je suis obligé de suivre la vibration qu'impose mon esprit. Je peux pas... Mon ego peut pas être là puis vouloir aller plus vite puis parler plus vite puis donner plus d'énergie. Ça, c'est de l'ego, c'est d'interférence. Puis c'est difficile pour nous autres d'en arriver à parler selon notre esprit au lieu de selon notre ego. C'est là qu'on se dévoile. C'est pour ça qu'on se dévoile. Un esprit, ça se dévoile jamais. La preuve, l'esprit, ça se dévoile tellement peu que c'est pour ça que ça existe, le mensonge cosmique. Qu'est-ce que c'est le mensonge cosmique? C'est justement ça. C'est que les esprits qui sont dans le monde de la mort, ils se dévoilent tellement peu à l'homme, ils dévoilent tellement peu à l'homme leur réalité, que l'homme, lui, il est pogné dans le mensonge cosmique. Si l'esprit dans le monde, les esprits sont obligés de se dévoiler quand moi je te demande des questions, mais je parle de l'homme inconscient, là. Enfin, ils t'ont dit à soi que comment est-ce qu'on est à faire de l'illusion. Penses-tu qu'ils diraient que t'es illusion si tu n'étais pas conscient de ça? Tu ne dirais pas. Tu ne dirais pas. Alors, l'esprit, c'est une des lois de l'esprit de ne pas se dévoiler, parce que se dévoiler, c'est donner naissance à une forme qui n'est pas nécessaire. Parce que quand tu es dans ton esprit, tu n'as pas besoin de te dévoiler, parce que tu n'as pas besoin de forme pour cacher quoi que ce soit. Ou démontrer quoi que ce soit. Tu es libre, c'est ça, l'esprit. La liberté de l'esprit, c'est ça. L'esprit de l'homme doit être libre. Et l'homme est loin en... L'homme est très loin de comprendre qu'est-ce que c'est être libre dans l'esprit. Moi, je commence à comprendre. Je commence à comprendre qu'est-ce que c'est être libre dans l'esprit. Puis ça fait partie de comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence. Puis comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, ça fait partie de comprendre jusqu'à quel point tu es capable de détruire, de mettre un trou dans l'astral. Puis pour mettre un trou dans l'astral, il faut que tu aies le pouvoir de ton esprit. Tu peux pas mettre un trou dans l'astral, en fonction de ton corps de désir. C'est le pouvoir de ton esprit qui te permet de mettre un trou dans l'astral. C'est l'esprit qui détermine jusqu'à quel point le trou dans l'astral doit être fait pour l'évolution de l'humanité. C'est pas l'ego. C'est l'esprit qui détermine ce qui doit être dit à l'homme, pas l'ego. Et l'équilibre entre l'ego et l'esprit, c'est bien touché. T'entends les gens parler, puis tu sais si c'est l'esprit qui parle ou l'ego qui parle. Puis quand c'est l'esprit qui parle, c'est une autre vibration. C'est bien neutre de l'esprit. L'ego, c'est pas neutre. L'esprit qui parle dans l'homme, c'est bien neutre, c'est bien calme, c'est bien fun, c'est bien plaisant, c'est bien clair, c'est bien net, c'est bien sain. Mais de l'ego qui parle dans l'homme, c'est bien compliqué, c'est bien émotif, c'est bien mental, c'est bien orgueilleux, c'est bien ci, c'est bien ça. Voilà. C'est pas la même vibration, pardon. Puis il faut que l'homme s'habitue petit à petit, parce que l'homme n'est pas fusionné, fait qu'il s'habitue petit à petit, fusionne, fusionne, fusionne. Puis éventuellement, là, il perd conscience d'être homme. Puis il prend conscience d'être esprit dans un corps matériel. Puis quand tu prends conscience d'être esprit dans un corps matériel, il n'y a plus besoin d'une personnalité. Il est personne. Il est personne. C'est sa personne qui compte. C'est plus sa personnalité. La personnalité, il peut la modifier comme il veut. Mais la personne, elle demeure toujours intacte, toujours. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent, surtout quand ils se conscientisent, qui vivent au niveau d'une sorte de personnalité. Ils se projettent une sorte de personnalité consciente, supramentale, intelligente, qui comprend bien les affaires. Touché. On ne peut pas être plus intelligent que notre esprit. Ça, c'est spirit, hein, Philippe? On ne peut pas être plus intelligent que notre esprit. Puis des fois, ça nous fend derrière, au niveau de l'ego. On voudrait être aussi intelligent que notre esprit, en tant qu'ego. C'est une illusion. C'est ça que je dis, la connaissance, c'est une illusion. Tu ne peux pas être plus intelligent que ton esprit. Fait que si moindrement tu te sens intelligent, là, quand tu te sens intelligent, il faut que tu fasses bien attention. C'est une maudite notion. Se sentir intelligent, c'est une notion du déséquilibre qui existe entre le mental inférieur et le mental supérieur. Il y a un déséquilibre qui existe entre le mental inférieur et le mental supérieur. C'est avec le temps qu'il n'y a plus de déséquilibre entre les deux. Quand il n'y a plus de déséquilibre entre les deux, tu te sens plus intelligent. Mais tant que tu te sens intelligent, il y a un déséquilibre entre ton mental supérieur, qui est le plan d'action de ton esprit, puis ton mental inférieur, qui est ta mémoire. Qui est le reflet de ta personnalité. Et quand ce déséquilibre-là n'existe plus, là, il n'y en a plus, peut-être plus. Tu ne peux plus avoir l'impression d'être intelligent. Ça n'existe plus, ça, l'affaire d'intelligence. C'est rien que de l'esprit qui fonctionne. Il n'y a plus de réflexion. Là. Il n'y a plus de mesure, il n'y a plus de capacité, il n'y a plus rien. Là, tu rentres, là, tu commences à rentrer dans l'infinité de l'intelligence, dans l'infinité de l'esprit. Tu commences à sortir de l'astral, tu commences à sortir des notions, tu commences à mettre à terre tout ce que l'homme a appris au cours de l'évolution. Là, tu es capable de le faire. Puis, sais-tu pourquoi tu es capable de le faire? Parce que tu n'es plus prisonnier de la force qui a donné à ta personnalité une valeur avec laquelle tu t'es mesuré pour avoir une conscience quelconque de ta connaissance qui fait partie de la couleur de ta personnalité pour le bénéfice de ton ego. Là, après ça, tu peux commencer à expliquer à l'homme qu'est-ce que c'est un être humain. Là, tu peux dire à l'homme qu'un être humain, c'est un être de lumière. Tu peux dire à l'homme qu'un être humain, c'est un être qui n'est pas prisonnier de la matière. Tu peux dire à l'homme que l'être humain, c'est un être qui se sort d'un corps matériel pour simplement véhiculer sur le plan matériel des notions psychologiques qui servent à l'intelligence et à l'émotion de l'homme pour conserver sur la Terre la mémoire de la conscience active et créative de son ego. Là, tu peux dire que l'homme, l'être humain, l'homme devenu être humain, c'est un phénomène de passage dans le temps. Mais effectivement, l'homme, c'est un phénomène de passage dans le temps. Tandis que l'être humain n'est pas un phénomène de passage dans le temps. L'être humain, c'est un être qui vit, qui connaît les lois du temps. Il n'est pas seulement un passage. Il connaît les lois du temps. Il travaille avec le temps. Et le temps, pour lui, est réel. Mais pas le temps psychologique. Le temps en tant que le passage de l'énergie, de la vibration, de l'esprit à travers toutes les étapes de la conscience supramentale, mentale, émotionnelle, vitale, jusque sur le plan physique. À part. Ça, c'est ça qui crée le temps. L'homme doit comprendre les mystères de l'homme. L'homme doit comprendre le secret des mystères de l'homme. Les mystères de l'homme font partie de ce qui doit renouveler au niveau de la condition psychologique de son savoir, et le secret des mystères de l'homme fait partie de ce qui est transpercé par l'esprit, c'est-à-dire tout ce que l'esprit détruit, passe à travers au niveau de l'astral. C'est ça les secrets des mystères de l'homme. Les mystères, c'est passé, mais le secret des mystères, c'est important. Et quand je dis que l'homme ne peut pas être plus intelligent que son esprit, je veux dire que l'homme ne peut pas savoir des choses avant le temps, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas dire des choses avant le temps, mais que dans le temps, l'homme pourra savoir et dire tout ce qu'il a à dire. Parce qu'il n'y a pas de limite dans l'homme. Pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite. Il n'y a absolument rien dans l'univers que l'homme ne peut pas savoir. Rien. Même Dieu, ça se comprend. Dieu, ça se comprend. Le concept de Dieu que l'homme a, ça se comprend, l'affaire du coup. Dieu. Puis c'est normal que tout se comprenne, parce que si tout ne se comprenait pas, il n'y aurait pas d'esprit dans l'homme. C'est parce qu'il y a de l'esprit dans l'homme que tout se comprend. Mais l'esprit dans l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire la totalité. Totalité dans la conscience de l'homme de la réalisation de ce qui est intelligence, volonté et amour dans le cosmos réunis sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan vital, sur le plan physique. Tout se comprend dans le cosmos. Ce qui donne à l'homme l'impression qu'il y a tellement de choses à comprendre, c'est parce qu'il y a du temps dans la notion de la connaissance. Et il ne doit pas y avoir de temps dans la notion de la connaissance. C'est le temps dans la notion de la connaissance qui fait que l'homme a l'impression que ça prend du temps pour tout comprendre. C'est une illusion de l'ego. Tout se comprend instantanément. Et un jour, l'homme comprendra que l'esprit de l'homme n'a jamais passé par l'évolution. Ce qui est passé par l'évolution, ça n'a pas été l'esprit de l'homme, ça a été sa conscience astrale. C'est la conscience astrale de l'homme qui a évolué, c'est pas l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme n'a jamais évolué, il n'évoluera jamais parce que l'esprit de l'homme a été créé parfait. L'homme comprendra ça un jour. Et quand l'homme comprendra que l'esprit de l'homme a été créé parfait, l'homme saura qu'est-ce que c'est être un ange. Et quand l'homme comprendra qu'est-ce que c'est être un ange, l'homme commencera à comprendre le mystère des extraterrestres. Quand l'homme comprendra qu'est-ce que c'est le mystère des extraterrestres, le mystère des anges, puis tout ça, le mystère de Fatima, patati, l'homme verra et comprendra que la réalité est permanente dans le cosmos et omniprésente dans le cosmos, de sorte que la réalité n'a aucune faille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sous-entendue ou sous-adjacente à aucun principe spatial. Il n'y a aucun principe de spécialité dans la réalité. C'est pour ça que la notion spatiale qui permet à l'homme d'interpréter le phénomène extraterrestre est une notion humaine qui convient à la psychologie de l'homme parce que l'homme est encore prisonnier de sa psychologie humaine et que son esprit n'est pas libre. Quand l'esprit de l'homme sera libre, l'homme réalisera que tout ce qui existe dans le cosmos qui fait partie du réel est unidimensionnel. Il y a seulement une dimension dans l'état. Et quand l'homme comprendra que tout est unidimensionnel dans l'éther, dans le réel, l'homme comprendra que le réel est permanent et infiniment présent à tous les niveaux de la création, dans tous les domaines de la création, à toutes les étapes de la création, dans tous les espaces atomiques de la création, c'est-à-dire dans tous les espaces atomiques de la conscience des temps, de sorte que Dieu est partout. Et quand l'homme comprendra qu'est-ce que c'est que ça veut dire que Dieu est partout, l'homme comprendra qu'est-ce que c'est l'homme. Et quand l'homme comprendra qu'est-ce que c'est l'homme, l'homme verra qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et Dieu, que l'homme fait partie de ce qu'on appelle Dieu. Et quand l'homme comprendra que ce qu'on appelle Dieu est omniprésent et permanent à toutes les étapes de la création, à tous les niveaux des plans, en fonction de tous les différentiels vibratoires, l'homme réalisera qu'il est capable d'atteindre, quand il veut, selon son esprit, tous les plans de ce qu'on appelle Dieu. Et quand l'homme aura compris ça, l'homme aura compris que Dieu n'existe pas,